Ce n'est peut-être pas le plus grand scandale qu'aient connu les États-Unis, mais c'est le plus spectaculaire. Car en 1974, il a contraint un président à démissionner. Et si Richard Nixon ne l'avait pas fait, pour la deuxième fois dans l'histoire américaine, le Congrès aurait démis un président de ses fonctions. Pourtant, un an et demi plus tôt, Nixon avait été réélu triomphalement et il avait accumulé les succès diplomatiques et politiques en conduisant en particulier son pays sur la voie de la paix au Vietnam, après avoir écrasé un œil sous les bombes quand même. L'homme le plus puissant du monde mettait donc les pouces. Et pourquoi ? À cause d'une malheureuse tentative de cambriolage politique dans l'immeuble du Watergate. Nixon, le républicain, avait voulu percer les secrets de campagne de son adversaire démocrate. Alors même que tous les sondages lui prédisaient une réélection sans difficulté. En France, notons-le en passant, une affaire très semblable, la pose de micro par la DST dans les locaux du Canard Enchaîné, n'aura aucune conséquence politique. Autre pays, autre mur. Et André Fontaine pouvait écrire ces quelques lignes dans Le Monde. On ne le savait plus, on ne voulait plus le croire, mais il y a encore au moins une nation sur cette terre où la loi est décidément plus forte que les hommes, où à peine nommé par un président, des juges sont capables de lancer des réquisitions contre lui ou un parti peut préférer la manifestation de la justice au maintien d'un des siens au pouvoir. Il y a quelques semaines, M. X expliquant la faillite de la CIA qui n'a pas su prévenir les attentats du 11 septembre était remonté jusqu'à ces années 70 où l'agence américaine avait été violemment secouée par une série de scandales. Et il m'avait dit, en me promettant d'y revenir, que tout avait commencé avec la révélation de l'affaire du Watergate. Cette semaine, il a donc tenu parole et pour lui, les enjeux dans cette histoire dépassaient de très loin le simple espionnage politique. Pour le grand public, ce qui reste de cette affaire du Watergate, c'est la silhouette de cet homme mystérieux qui distillait ses confidences aux deux journalistes du Washington Post, Woodward et Bernstein. Oui, gorge profonde. Oui, un sobriquet emprunté à un film porno qui avait connu à l'époque un grand succès. Oui, mais au fond, vous-même, à votre façon, vous êtes une sorte de gorge profonde. Je ne sais pas si je dois prendre ça pour un compliment. Non, plus sérieusement, je vous rappelle qu'aujourd'hui encore, on ne sait toujours pas qui était cette gorge profonde, ni même si elle a réellement existé. Oui, on a aussi dit qu'en fait, il y aurait eu plusieurs gorges profondes, hein, mais vous avez sans doute une idée. Allons pas trop vite. C'est donc que vous savez. Bah, écoutez, chaque chose en son temps, ne soyez pas trop impatients. Ouais. Woodward et Bernstein ont toujours dit qu'ils ne révéleraient le nom de leur source qu'au jour de sa mort. Sans doute, mais connaîtrons-nous pour autant la vérité? Gorge profonde n'était peut-être qu'un interprète, une voix qui répétait une leçon apprise ailleurs. Ah, ça commence à devenir intéressant. Ça mérite donc que vous fassiez l'effort d'attendre encore un petit peu. Bon, alors voyons d'abord les faits. L'affaire, officiellement en tout cas, débute par l'arrestation à la mi-juin 1972 de 5 plombiers, comme on va les appeler. Oui, comme les plombiers du Canard Enchaîné. Qui étaient, comme vous le savez, des policiers de la DST. Mais enfin, passons. Ces 5 plombiers, donc, s'étaient introduits dans un immeuble de Washington, le Watergate, où le Parti démocrate avait installé son QG. Oui. On était alors, il faut le rappeler, en pleine campagne électorale présidentielle. Oui, à 6 mois de l'élection, effectivement. Et disons-le tout de suite, Richard Nixon, le candidat républicain, même s'il n'avait pas encore été désigné officiellement par son parti, était donné largement favori. Il était alors au sommet de sa popularité. Seul Edward Kennedy, le frère de John et Bob, aurait pu sérieusement l'inquiéter. Mais enfin, empêtré dans une sale affaire, le dernier des Kennedy avait renoncé à se présenter. Par conséquent, on peut se demander tout de suite quel intérêt pouvait avoir Nixon à espionner le camp démocrate. Hein? Oui, effectivement, c'est une des premières questions que pose cette affaire. Vous avez la réponse? Bah, écoutez, il y a deux possibilités. L'une, n'excluant pas l'autre. Nixon, car c'est lui qui est à l'origine directe de cette tentative de cambriolage, pouvait soupçonner le patron du Parti démocrate, Lawrence O'Brien, de posséder des documents compromettants le concernant. Pour de quoi? Des liens de Richard Nixon avec le Trust ITT ou encore avec le milliardaire Howard Hughes. Mais on en reparle. Hein. D'accord. Alors, la deuxième hypothèse, Les plombiers sont peut-être tombés dans un piège. Ah, c'est-à-dire qu'ils étaient attendus? Bah, on ne peut pas exclure qu'il l'ait été. Pour compromettre Nixon, donc ? C'est une possibilité. Ouais, mais attendez, comment d'abord exactement ont-ils été surpris ? Il faut dire qu'ils en sont cette nuit-là à leur deuxième tentative. Une première fois, 3 semaines plus tôt, ils se sont introduits à l'intérieur du Watergate et ont pénétré dans le bureau de O'Brien. Ils ont pris des photos et ils ont posé des micros. Mais les photos sont floues et le téléphone qu'ils ont piégé n'est pas le bon. Pas très oui, hein, ces plombiers. Qui sont-ils ? Bon, une seconde, je poursuis. Donc, après cet échec cuisant, ils retournent au Watergate. Pour préparer leur intrusion, l'un d'eux pose une bande adhésive sur la serrure d'une porte du parking souterrain. Afin qu'elle ne puisse pas se refermer, c'est ça, ah, c'est oui. ça. Non, manque de chance, un gardien de nuit remarque cette bande adhésive et la décolle. Et ce gardien pense-t-il que ce sont des cambrioleurs qui ont posé cet adhésif ? Non, non, il se dit que ce sont sans doute des ouvriers qui travaillaient dans le parking, qui l'ont disposé pour s'épargner d'ouvrir à clé à chacune de leurs allées et venues. Mais ce gardien repasse une heure plus tard et il constate qu'on a posé une nouvelle bande adhésive. Cette fois-ci, il trouve ça louche et il appelle la police. Les 5 plombiers vont être surpris en plein travail. Quand ils ont constaté que la première bande avait été arrachée, ils ne se sont pas méfiés. Si, et par Tokiwoki, ils ont demandé des instructions à leur chef qui occupait une chambre dans l'hôtel voisin. Un hôtel qui appartenait au même ensemble immobilier. Et leur chef leur ont demandé d'y aller quand même. Oui. Autre question, enfin, moi je suis pas un spécialiste, mais j'imagine que dans une opération pareille, on poste des guetteurs à l'extérieur. Oui, c'est juste. Il y avait effectivement un guetteur, mais il aurait vu trop tard une agitation anormale dans les étages supérieurs du Watergate. Le temps d'alerter les plombiers, ils étaient pris. Oui. Pardonnez-moi, mais ça ne me paraît pas très professionnel. Oui, je suis d'accord avec vous. Même si à la décharge de ce guetteur, il faut dire que ce sont des policiers en civil qui sont intervenus. Mmh. Alors, ces hommes-là, ces plombiers, comme vous dites, qui sont-ils ? Il y avait d'abord des Cubains, des hommes engagés dans la désastreuse opération de la baie des cochons. Puis des anciens de la CIA, un certain McCord en particulier. Un type qui avait du métier et de l'expérience. Donc un homme qu'on ne pouvait pas soupçonner de maladresse. C'est certain. Mmh. Et croyez-moi, si ce McCord a commis des maladresses, ça n'est certainement pas par hasard. Ah, vous pointez le bout du nez, là. Peut-être, enfin poursuivons. Vous n'avez pas parlé des chefs, enfin ceux qui se trouvaient dans l'hôtel voisin. Là. Et qui sont arrêtés à leur tour. Mmh. Ils sont 2. Howard Hunt et Gordon Liddy. Hunt est lui aussi un ancien de la CIA et il travaille pour une société de relations publiques qui sert de couverture à l'agence. Quant à Liddy, c'est un ex-policier du FBI. La CIA me semble donc très impliquée dans cette affaire, hein, parce que les Cubains de la baie des cochons avaient vraisemblablement travaillé eux aussi en liaison avec la CIA. Naturellement. Alors oui, vous avez raison, la CIA se trouve en première ligne. Et vous allez le voir, l'agence va faire son possible pour s'en sortir. Parce qu'elle n'était pas vraiment impliquée ? Non, j'ai pas dit ça. Mais encore une fois, ne mettons pas la charrue avant les bœufs et laissez-moi continuer. À la Maison-Blanche, c'est tout de suite la panique, même si le président lui feint l'insouciance. Pourquoi la panique, alors ? McCord est, par exemple, le chef de la sécurité du CRP, le comité pour la réélection du président. Et on trouvera sur les plombiers des numéros de téléphone de la Maison-Blanche. Pas très prudent, hein. Je suis à nouveau d'accord avec vous. Quant à Hunt et Liddy, ils sont en contact permanent avec l'entourage présidentiel, car ils ont été recrutés par Charles Colson, un conseiller spécial de Richard Nixon. Donc, tout remonte vers la Maison-Blanche ? Oui, mais on fait hâtivement le ménage. Les coffres sont vidés, tous les documents compromettants sont détruits et tout le monde ment. À commencer par le président qui nie avec indignation tout contact de ses services avec les plombiers de Watergate. Mais il doit y avoir aussi des tentatives d'étouffer l'affaire. C'est bien le moins. John Mitchell, l'ancien ministre de la Justice et qui est devenu le patron de ce comité pour la réélection de Nixon, demande à son successeur de faire libérer les plombiers, mais celui-ci refuse. Est-ce que, à ce moment-là, le candidat président Nixon pense que cette affaire peut troubler la campagne électorale? Non, je ne le pense pas. D'ailleurs, il faut le souligner, ce cambriolage ne fait pas grand bruit dans la presse américaine, malgré le fait que les démocrates sont bien décidés à utiliser l'affaire contre Nixon. Non, non, paradoxalement, ce n'est qu'après sa triomphale réélection que le président sera personnellement mis en cause. Mais avant, tout le monde s'accorde à juger qu'il ne s'agit que d'une affaire subalterne, pour reprendre un adjectif cher au général de Gaulle. Oui. Alors, pour l'instant, la stratégie de Nixon, c'est donc le mensonge. Oui, oui, ça implique de sacrifier les plombiers. Ces bons soldats devront assumer. Et en contrepartie, on les indemnisera généreusement sur les fonds secrets de la campagne électorale. C'est-à-dire qu'on achètera leur silence. Évidemment. Ensuite, lorsqu'ils seront jugés, ils bénéficieront de la grâce présidentielle. Mais auparavant, il faut faire en sorte que le FBI, chargé de l'enquête, ne soit pas trop curieux. Et Nixon et ses conseillers ont une idée pour ça. Nixon, au cours de cette affaire, ne cessera de mentir. Fidèle, en cela, à son surnom, Dick le Tricheur. Dans un livre très complet sur le Watergate, l'ancien PDG de l'agence France Presse, Claude Moisy, écrit ainsi. Au milieu de cet affairement anxieux, Nixon commet son premier mensonge public sur le Watergate. Il le fait dans une conférence de presse à la Maison-Blanche le jeudi 22 juin, 5 jours après le cambriolage. À sa grande surprise, une seule des 17 questions porte sur le cambriolage. Est-il vrai, comme O'Brien le prétend, que les cambrioleurs soient liés à la Maison-Blanche? Ils jouent la vertu à pitoyer. Ce genre d'activité n'a pas sa place dans notre système électoral ou dans notre système de gouvernement. La Maison-Blanche n'a été impliquée en aucune façon dans cet incident. En ce qui concerne l'affaire elle-même, elle fait, comme il se doit, l'objet d'une enquête de la part des autorités appropriées. Je ne ferai donc pas de commentaires, puisque cela peut donner lieu à des poursuites judiciaires. Tout ce qu'il dit est faux. Ce genre d'activité fait partie de son système politique. La Maison-Blanche est au moins indirectement liée au cambriolage et il fait tout ce qu'il peut pour entraver l'enquête, même au prix d'autres activités illégales. Le livre de Claude Moisy a été publié en 1994 chez Hachette. Quel est ce plan que Nixon va mettre au point pour faire échec aux investigations du FBI? Non, c'est très simple, mais il faut obtenir la coopération de la CIA. Et c'est la présence parmi les plombiers d'éléments anticastristes qui a donné cette idée à Nixon ou à ses conseillers. La CIA doit informer le FBI que ces Cubains, qui sont effectivement des agents de l'agence, sont engagés dans des actions clandestines de première importance. À Castro. Évidemment. Et en poursuivant leur enquête, les policiers fédéraux pourraient compromettre la réalisation de ces actions. Bref, des impératifs de sécurité nationale imposent qu'on en reste là. Oh, c'est effectivement assez habile et ça marche. En tout cas, les hommes de la Maison-Blanche, Robert Haldeman, le secrétaire général et John Ehrlichman, le conseiller aux affaires intérieures, convoque les patrons de la CIA. À l'époque, ce sont Richard Helms et le général Vernon Walters. C'est ce dernier qui va contacter le FBI. Il n'hésite pas. Pour parler franchement, il n'est pas très enthousiasmé, car il comprend vite qu'on lui demande de couvrir un délit. Mais enfin, c'est un vieil ami de Nixon, et finalement, il accepte d'aller voir le nouveau patron du FBI, Patrick Gray, l'homme qui a succédé à l'indéracinable Edgar Hoover, mort 6 semaines plus tôt. Et c'est heureux pour Nixon. Pourquoi? Parce qu'Hoover n'aurait peut-être pas accepté de se mouiller dans une affaire pareille. Surtout si la demande était présentée par la maison rivale, la CIA. D'autre part, Gray est un directeur provisoire. Il n'a pas encore été confirmé par le Sénat à la tête du FBI. Ah oui, donc il est susceptible d'être plus souple. Les hommes de Nixon peuvent l'espérer, en tous les cas. Walter se rend donc chez Gray. Et il dit en substance au directeur du FBI que l'enquête sur le cambriolage doit en rester là. Si les investigations se prolongeaient, elles risqueraient de compromettre des projets de l'agence. Une réaction de Gray? Il est très prudent, il sait qu'en pleine période électorale, cette affaire s'en le souffre. Bref, il promet sans promettre. Alors, si je comprends bien, ni à la CIA, ni au FBI, on est vraiment désireux de suivre les instructions présidentielles. C'est la vérité, parce que les deux maisons ne tenaient pas à être accusées d'étouffer l'affaire. D'autant que la CIA ne manquerait pas d'être mise sur la sellette puisque les plombiers étaient pour la plupart des anciens employés de l'agence. Ouais. Comment les patrons de la CIA et du FBI s'en sont-ils sortis? Parce qu'il y avait tout de même la volonté présidentielle. Hein. Par une astuce, Gray a fini par dire à Walters « Je veux bien étouffer l'affaire du Watergate, mais il me faut une lettre de la CIA me le demandant. » Walters ne pouvait évidemment pas accepter et les choses en sont restées là. Ça signifiait que les deux maisons, comme vous dites, lâchaient la Maison-Blanche. Oui, c'est un peu ça. Enfin, je peux vous le dire tout de suite, sans déflorer le reste de ce récit, même si la CIA et le FBI avaient uni leurs efforts pour bloquer l'enquête, le scandale du Watergate aurait quand même atteint Richard Nixon, car on avait décidé de l'abattre. Ah oui, une manipulation. Ça y ressemble. À moins que ce n'ait été une exploitation intelligente des travers de Nixon, mais un peu de patience. Je vous promets que je vous dirai tout ce que je sais. J'y compte bien. Encore un mot. Dans cette affaire, la CIA était elle-même tellement ficelée que pour s'en sortir, l'agence était obligée un jour ou l'autre d'accabler le président Nixon. Et c'est ce qui arrivera. Un mot encore, malgré l'insouciance apparente dont fait preuve l'administration de Washington, la Maison-Blanche n'a jamais mésestimé le danger. La preuve, c'est que l'entourage de Nixon va couper très vite les maillons faibles et se défausser de ses responsabilités. C'est-à-dire? Un homme se trouve au cœur de l'affaire. John Mitchell, le président du comité pour la réélection de Nixon. C'est un ami très proche du président. Et il n'ignore rien, bien sûr, des magouilles de la Maison-Blanche, puisque c'est au sein de ce comité qu'ont agi les plombiers. Et voilà, Mitchell devient encombrant. Et au poste qu'il occupe, il fait un excellent bouc émissaire. Nixon va le sacrifier. Sans état d'âme. Il se trouve que la femme de Mitchell a quelques problèmes psychologiques ou psychiatriques, comme vous voudrez. Elle parle beaucoup, beaucoup trop. Ouais, elle représente une menace? Oui, d'autant qu'une de ses amies est journaliste dans une agence de presse. Alors à la Maison Blanche, on va faire d'une pierre deux coups. D'une part, on va demander à Mitchell de démissionner de son poste au comité, et d'autre part, on va laisser entendre que trop occupé par les problèmes de santé de son épouse, il a peut-être été négligent. Et qu'il a laissé quelques-uns de ses subordonnés commettre de graves erreurs, dont ce fameux cambriolage au Watergate. Exactement. Mmh. Ce n'est pas joli joli, mais Nixon espère bien qu'en sacrifiant cet ami, il y gagnera la paix. Je le répète, ses ennemis étaient bien décidés à poursuivre leur tâche. Et ils avaient suffisamment de grains à moudre, tant Nixon avait accumulé de fautes. C'est travers dont vous parliez. Ouais. Oui, alors pour bien comprendre, il faut opérer un petit retour en arrière, si vous voulez bien. Mmh. Nixon arrive donc au pouvoir en 1969. Ses débuts sont très difficiles. À cause de la guerre du Vietnam. Essentiellement, oui, on l'a oublié, mais la contestation de la jeunesse américaine a été alors excessivement violente. Et ça a commencé dès les cérémonies d'investiture du nouveau président. Plus tard, en Californie, Nixon doit faire face à une manifestation d'extrême gauche qui tourne en émeute. Il est très marqué par ces événements, d'autant que ça va crescendo. Vous parlez de la grande manifestation de Washington? Oui, au printemps 71, la Maison Blanche est littéralement assiégée par des centaines de milliers de manifestants. La police et la garde nationale interviennent sans ménagement. Près de 15 000 jeunes sont arrêtés et parqués dans des camps de détention. L'image est absolument désastreuse et la cote de popularité de Nixon plonge. Il vit tout ça très mal. Psychologiquement? Et ça s'explique très bien. Nixon est issu d'un milieu extrêmement modeste. Toute sa jeunesse, il a dû se battre pour arriver. Puis ensuite, c'était le combat politique. Et là aussi, il s'est imposé en force, en recourant parfois à des moyens plus ou moins douteux. Oui, Dick le tricheur. C'est la presse qui l'a surnommé ainsi. La presse qui ne l'a jamais aimé. Et il a gardé de ses combats le sentiment que le monde lui est hostile et qu'il est entouré d'ennemis. Une sorte de maladie de la persécution? N'exagérons pas. Mais c'est vrai que Nixon a tendance à voir des complots un peu partout. Et jugeant les autres à l'aune de ce qu'il est lui-même, il n'hésite pas à utiliser contre ses adversaires des pratiques illégales. Aucune morale? Aucune, non. Nixon est un réaliste, un cynique. La fin justifie tous les moyens. Ainsi qu'à l'étranger, au nom de la lutte contre le communisme, il soutiendra des régimes de plus en plus corrompus, les pires dictatures. Oui, c'est sous son règne que Pinochet renversera Allende. Avec l'aide des États-Unis, oui. Ce n'est qu'un exemple. En même temps, il saura se conduire comme un authentique homme d'État, audacieux et intelligent. Vous voulez parler de la reconnaissance de la Chine, hein? Et la politique de détente grâce à la signature d'un traité de limitation des armes nucléaires avec l'URSS. Sans compter que c'est lui, le républicain, l'ultra-conservateur qui va sortir son pays du bourbier vietnamien, où les démocrates Kennedy et Johnson l'avaient enfoncé. Alors, on ne peut que déplorer la bassesse des moyens qu'il va utiliser contre ses adversaires. Hein. Ah, mais c'est peut-être l'une des explications de sa conduite. Nixon va avoir l'impression que c'est sa politique qui est menacée. Sa politique extérieure. Oui. Toutes ses initiatives spectaculaires, à commencer par son principal coup d'éclat, son voyage à Pékin. Et puis il faut dire aussi à sa décharge que toute une série de fuites semble lui donner raison. Tout se passe comme si on voulait saboter sa diplomatie secrète. Dans un récent article de la revue Historia consacré au Watergate, l'écrivain Rémy Koffer brosse un portrait de Richard Nixon sous le titre « Nixon, l'homme de l'Amérique d'en bas ». Je le cite. Né à Yorba Linda, cité champignon agricole voisine de Los Angeles, c'est par la ténacité, l'effort et un goût inné de la bagarre que Richard Nixon, authentique fils du peuple, est parvenu à s'élever dans la hiérarchie sociale. Ses parents tenaient une station-service épicerie. Toute son enfance, le garçon s'est levé à 4 heures du matin pour aller acheter des fruits et des légumes au marché de Los Angeles avant de gagner l'école sur le coup des 8 heures. Deux de ses frères, Arthur et Harold, sont morts de tuberculose. Rien à voir avec la cuillère d'argent dans la bouche de John Kennedy, ce fils de milliardaire qui le battra de 113 000 voix seulement à la présidentielle de novembre 1960. Argent, beauté, décontraction, facilité, séduction, tout ce que Nixon, père de famille irréprochable au physique ingrat, bosseur, hargneux et parfois méchant, n'a jamais possédé. Son intelligence remarquable, sa rare compréhension des rapports de force mondiaux, les médias s'en fichent. Depuis des lustres, la presse le déteste, lui qu'elle a surnommé Dick le tricheur. Et Dick le tricheur renvoie la politesse au centuple qui voue une hostilité totale à ces salauds de journalistes, toujours prêts à trahir pour une bonne histoire, à ces snobs de la Ivy League, les grandes universités élitistes de la côte Est. Vous avez parlé de fuite dans la presse? Oui, ça commence en 1969, c'est-à-dire très peu de temps après l'arrivée de Richard Nixon à la Maison Blanche. Un grand journal, le New York Times, fait des révélations très gênantes. Il affirme que Nixon a ordonné le bombardement du Cambodge. C'est vrai? Bien sûr. Nixon va en finir avec la guerre du Vietnam. Quand il arrive au pouvoir, il y a plus de 500 000 GIs au Vietnam. Et les Américains perdent des centaines d'hommes chaque semaine. Nixon va donc en priorité désengager progressivement cette gigantesque armée et entamer des négociations avec les Nord-Vietnamiens. Mais il veut se trouver en position de force. Ouais, c'est un peu contradictoire avec le désengagement militaire. Hein. Non, car il va faire la guerre autrement. Il décidera de bombardements massifs au nord. Il ira même jusqu'à miner des ports. Et au sud, il choisit de frapper le Cambodge qui sert de base arrière au Viet Cong. Mais ces bombardements sur un pays qui est officiellement neutre constituent une grave violation des lois internationales. C'est pourquoi ils doivent demeurer secrets. Et patatras, le New York Times vend la mèche. Oui, et Nixon veut découvrir qui est à l'origine de cette fuite. Il demande donc au patron du FBI, l'inamovible Edgar Hoover, de... Il vit encore, hein. Oui, à ce moment-là, oui. De placer donc sur écoute un certain nombre de hauts fonctionnaires. Mais le vieil homme ne fait guère de zèle. Nixon ne saura jamais qu'il l'a trahi. Et en 71, ça recommence. Encore une fuite. Le New York Times, toujours lui, entame la publication de ce que l'on va appeler les Pentagon Papers, c'est-à-dire une étude confidentielle sur la conduite de la guerre au Vietnam. Il figure des centaines de documents secrets. Là, la fuite est d'importance. Certainement. Hein. C'est très embarrassant. Non pas pour Nixon, personnellement, car cette étude porte sur les années qui ont précédé son arrivée au pouvoir. Et elle est accablante pour les présidents démocrates Kennedy et Johnson, qui, ces documents le prouvent, n'ont cessé de mentir au peuple américain. Alors, c'est tout bénéfice pour le républicain Nixon, hein. Ça pourrait l'être, oui, mais Nixon et son conseiller, Henry Kissinger, sont alors engagés dans des négociations ultra-secrètes avec les Nord-Vietnamiens, les Soviétiques et les Chinois. La publication de documents aussi confidentiels risque de compromettre ces négociations. Il faut m'expliquer. On ne mène pas de telles discussions avec un gouvernement qui n'est même pas capable de protéger ses secrets. Or, les Chinois, en particulier, ne supporteront pas que des indiscrétions soient publiées sur leurs relations avec les Américains. Oui. Nixon est donc irrité. En plus qu'irrité, il est furieux. D'autant plus furieux que l'auteur des fuites se révèle être un certain Daniel Ellsberg, un brillant sujet, un démocrate, un ancien faucon qui est devenu pacifiste. Pire. C'est un ami de Kissinger. Ouais. Et Nixon soupçonne Kissinger ? Absolument pas. Et Kissinger est au moins aussi furieux que son patron et exige que des poursuites soient engagées contre Ellsberg. Non, ce qui exaspère Nixon, c'est qu'il est certain que la publication des Pentagon Papers dissimule une vaste conspiration. Conspiration contre lui, c'est ça ? Oui, Nixon pense que les intellectuels de la côte Est, les démocrates et cette nébuleuse Kennedy qu'il déteste férocement veulent le déstabiliser et saboter sa politique étrangère. Et ce qu'il conforte d'ailleurs dans cette idée, c'est que Ellsberg fanfaronne. Malgré les poursuites dont il est l'objet, il ne cesse de parcourir le pays et de donner des conférences qui rencontrent d'ailleurs un grand succès. Mais ça décuple la fureur de Nixon. Forcément, ça va entraîner à commettre des fautes de plus en plus graves, avec l'assentiment de toute son équipe, il faut le souligner. Alors, par où commence-t-on ? On continue à parler d'Ellsberg, ce pacifiste, ce nouveau héros de la gauche américaine qui va jusqu'à appeler à la désobéissance civile. Ça l'obsède. Le FBI a refusé de mener contre lui l'une de ses opérations de provocation, donc Hoover et le spécialiste. Encore une réticence du FBI. Oui, le vieux Hoover a compris que les temps avaient changé. En outre, le beau-père d'Ellsberg est son ami. Alors Nixon, qui veut à tout prix trouver quelque chose pour salir Ellsberg ou le discréditer auprès de l'opinion publique, va activer une petite cellule secrète d'hommes de main et d'anciens espions dont la plupart vont faire leur nid dans ce CRP dont je vous ai parlé. Oui, le comité pour la réaction du président. Hein, c'est là qu'on va retrouver nos fameux plombiers du Watergate. Ils vont en quelque sorte se faire la main en s'attaquant à Ellsberg. Mais comment vont-ils procéder alors ? Il paraît que l'idée vient de Kissinger, mais je n'en ai pas la preuve. Ellsberg, qu'il connaît bien, aurait des mœurs sexuelles bizarres. Tu veux dire ? J'en sais pas plus, mais enfin, si c'est vrai, qui plus que son psychiatre connaît cette éventuelle déviance ? D'où l'idée de cambrioler le cabinet de ce praticien pour se saisir du dossier d'Ellsberg. Et alors, les hommes de cette petite cellule vont réellement passer à l'action ? Oui, à la Maison-Blanche, ils sont directement cornaqués par Ehrlichman et Colson, deux des conseillers de Nixon. Et sur le terrain, c'est Howard Hunt, l'ancien de la CIA, qui opère avec sa bande de Cubains anticastristes. Ouais. Hunt, qui m'a vu, vous dit, travaille dans une entreprise contrôlée par la CIA. Oui, mais si vous voulez bien, on en reparlera plus tard. D'accord. Ce qui est très important dans cette histoire, Ellsberg, et dans ce qui suivra, c'est que la CIA, l'ancien employeur de Hunt, va lui fournir un sérieux coup de main. C'est-à-dire Sur injonction de Ehrlichman, la CIA lui fournit du matériel, des faux papiers, des déguisements, des instruments de cambriolage, des émetteurs, enfin j'en passe. Et est-ce que la CIA, on sait à quoi va servir tout ce matériel ? On se doute bien que ce n'est pas pour aller à la pêche. Oui. Celui qui a fait la demande est Ehrlichman, le conseiller aux affaires intérieures du président. Et dans ce cas, on évite de se poser trop de questions. J'ajoute que ce matériel emprunté à la CIA sera aussi utilisé lors de l'effraction des plombiers au Watergate. Toutefois, ce qui importe, c'est que, dorénavant, quelques personnes à la CIA savent que des proches du président se livrent à des activités illégales. Ouais. Une information dont se servira plus tard. Vous brûlez, là, oui. Enfin, quoi qu'il en soit, ce cambriolage chez le psychiatre d'Ellsberg va être le début d'une course folle où les hommes du président vont commettre des actes de plus en plus délictueux. Une course absurde qui se terminera par la démission de Richard Nixon. Mais attendez, on poursuit là. Ce cambriolage chez le psy, a-t-il été couronné de succès? Vous voulez dire, est-ce que les plombiers ont réussi à s'emparer du dossier d'Ellsberg? Ah oui. Eh bien, non. Non, les Cubains ne l'ont pas trouvé. Alors Hunt a proposé à Lichtman de cambrioler le domicile du psychiatre. Mais le conseiller spécial du président a refusé. Mais pourquoi? Moi, j'imagine que Lichtman a estimé que les choses allaient trop loin. Dommage pour lui qu'il n'ait pas eu le même réflexe un peu plus tard. Car petit à petit, on va demander à la cellule dirigée par Hunt Liddy, l'ancien du FBI, de mettre au point un véritable plan visant à assurer la réélection de Nixon. Un plan destiné à discréditer les démocrates. Un plan où on allait envisager d'utiliser les méthodes les plus crapuleuses. Et ça, toujours avec l'assentiment du président? Bien entendu, tout remonter jusqu'à lui. On en aura la preuve quand la justice pourra enfin se saisir des fameuses bandes magnétiques enregistrées dans le bureau ovale de la Maison Blanche. Et à cette occasion, le peuple américain découvrira avec stupeur et indignation que le président enregistrait tous ses interlocuteurs. Alors insu? Naturellement. Et cette espionnite pèsera très lourd dans le discrédit de Dick le Tricheur auprès d'une opinion qu'il avait pourtant plébiscitée un an plus tôt. Plus dur sera la chute. Oui, mais vous l'avez compris, Nixon n'a pas seulement été victime de lui-même. On l'a, si vous me passez l'expression, puissamment aidé à tomber. La semaine prochaine, je vous proposerai la diffusion de la deuxième partie de cet entretien sur le Watergate. Et je peux déjà vous le dire, elle contient son lot de surprises. Mais avant de vous quitter, je voudrais vous lire cette analyse en forme de réquisitoire de Nina Sutton, auteure d'un livre sur la Watergate Story. Ambitieux, paranoïaque et tout à sa volonté de prouver à ceux qui l'ont méprisé qu'il peut se passer d'eux, Nixon n'a donc pas joué le jeu. Sur ce point, tous les commentateurs sont d'accord. Il reproche, notamment à Nixon, d'avoir traité le Congrès en cinquième roue du carrosse en jouant systématiquement son pouvoir de veto chaque fois que les parlementaires adoptaient une loi qui ne lui plaisait pas, en bloquant les crédits votés pour les utiliser à des fins autres que prévues, etc. D'avoir méprisé la presse, rompant avec la tradition des conférences de presse présidentielles régulières, il a toujours préféré annoncer ses décisions par le moyen d'une allocution télévisée, ce qui lui évite d'avoir à répondre aux questions qui ne lui plaisent pas. Tous les présidents américains ont eu des démêlés avec le quatrième pouvoir, mais aucun des prédécesseurs de Nixon n'a aussi systématiquement cherché à le circonvenir. Pression sur les journalistes, mise en cause par le ministère de la Justice de leur droit à protéger leurs sources, etc. Et surtout, d'avoir cherché à contrôler directement tous les secteurs du gouvernement, les utilisant souvent à des fins purement personnelles, le service des impôts contre ses ennemis par exemple, et sans le moindre souci de leur autonomie. Enfin, quand une agence de l'État ne répondait pas assez vite ou pleinement au désir de la Maison-Blanche, le président se contentait de la doubler par une structure maison, les plombiers. Enfin, je vous recommande tout particulièrement la lecture du livre de Claude Moisy, Nixon et le Watergate, la chute d'un président, paru chez Hachette. À samedi prochain, et je vous rappelle que vous pouvez nous joindre sur notre site internet franceinter.com, un site qui vous permet aussi de réécouter cette émission et d'autres plus anciennes.